Monsieur le Conseiller Général, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers amis. On va faire plus fort. Tiens, peut-être celui-là, Jean-Paul, ça sera mieux. Voilà. C'est bon, ouais. Alors, bienvenue à tous. Alors, je dois excuser d'abord M. Michel Testan, président du Conseil général de l'Ardèche, messieurs Jean Pontier, Pascal Terrasse, Stéphane Alaise, députés de l'Ardèche, qui sont absents ce soir et qui ne peuvent participer à notre inauguration. Le rendez-vous annuel de l'USAS avec le documentaire devient une semaine que notre village attend. Votre venue à tous est importante pour l'USAS, ce village qui change peu à peu. L'évolution de la population, la modification de l'activité économique, l'agriculture qui fout le camp. Tout cela contribue à une transformation, certes, lente, mais sûre. La semaine du documentaire se sert du village, et le village se sert de la semaine du documentaire. Cette espèce d'utopie de créer l'événement en plein milieu rural, loin des stéréotypes imbéciles, devient ici une réalité tangible. Sans doute, chacun, devenant plus conscient de son identité, peut se permettre d'avancer en respectant l'autre et en étant respecté. Ceci est un vaste débat, et sans doute un peu plus. Ces relations cordiales entre l'USAS et le documentaire ont amené le conseil municipal à mettre en route plusieurs chantiers pour permettre l'évolution de la commune, pour la vie de notre communauté, mais aussi pour que perdure l'hôte du documentaire à l'USAS, pour que nous puissions continuer à vous recevoir. Une tranche de travaux va démarrer autour d'un réaménagement de la salle des fêtes, de l'aménagement de locaux et autres bureaux. Ces investissements indispensables peuvent être menés à bien grâce à l'aide de l'État, de la région, dans le cadre du contrat global, de la communauté européenne et du département. Il est à souligner que dans le cadre du contrat global, nous avons dû recevoir l'aval de toutes les communes adhérentes. Elles sont 84 à avoir été d'accord. C'est dire que les retombées économiques de l'hôte documentaire dépassent l'USAS, pour qui elles sont loin d'être négligeables. Ce n'est pas seulement ponctuel. La création d'emplois, l'installation de nouveaux habitants concerne notre village, mais aussi d'autres communes du canton et des cantons périphériques. La notoriété que nous vaut votre présence et le travail réalisé autour du documentaire rejaillit sur tout le département. En dehors de toutes les considérations économiques ou de renom, sans lesquelles pourtant rien n'est possible, je tiens à insister sur l'aspect à la fois culturel et pédagogique de votre travail. En nous donnant à voir, vous nous donnez à connaître, comparer, à parler, à penser. Par votre travail, vous nous aidez à garder le cœur et l'esprit ouverts, à conserver la parole. C'est votre contribution vitale et nécessaire au combat jour après jour contre l'aliénation et le conditionnement. L'enfermement dans des certitudes de 4 sous. Et tout cela, l'histoire nous a appris et nous apprend où ils conduisent. Si vous êtes des habitués des états généraux, vous savez que je suis aussi arboriculteur. C'est pourquoi je ne peux passer sous silence une fois de plus la situation catastrophique que vit notre profession. On peut se gargariser de beaux discours sur l'aménagement du territoire et en éprouver de grandes satisfactions. On peut faire semblant de prendre des mesures qui renvoient tout le monde dos à dos. On peut faire tout cela entre gens bien propres et bien polis, qui ont les moyens et le temps de discuter entre eux. Mais au même moment, les petits, dont je fais partie, tentent de garder la tête hors de l'eau. Mais jusqu'à quand? Nous ne voulons plus travailler sans salaire. Nous sommes en train de rejoindre le groupe des sans-emploi, des hors-jeu, à qui on inflige quotidiennement le discours sur les 35 heures et l'obligation de travailler 42 ans pour accéder à la retraite. Je vous dis tout cela parce que j'en ai gros sur la patate. Pour moi, pour mes voisins, mes amis, pour mon pays, parce que, comme en Afrique, il y a des bibliothèques qu'on met au feu, quelque chose qu'on laisse crever, lentement, en silence, comme une plaie honteuse à qui on dit « tais-toi » et « crève » avec le raffinement des bourreaux. Témoignez, vous savez si bien le faire, qu'il y a encore des producteurs qui savent qu'un fruit s'est fait pour être mangé par des hommes et par leurs enfants d'abord. Pourquoi ce que nous mangeons devrait toujours ressembler au top modèle, forcément beau, lisse et net, alors que la vie ça creuse. Témoignez pour pouvoir revenir dans un village encore vivant et chaud, et pas dans une réserve folklorique ou dans un faux grand ensemble pour citadelle en mal de campagne. Je vous donne des images, peut-être même des clichés. Les faits, les petits faits au quotidien sont tellement sordides. Enfin, pour tous ceux d'ici, je veux aussi vous dire merci, parce que ça se voit, vous respectez notre village. Les Lusassois acceptent d'être dérangés par vous, parce que cela, ils le sentent. Alors, merci de m'avoir écouté. Bonne semaine fructueuse à tous.